Bonjour, chers auditeurs et chères auditrices de Radio Contact. Nous sommes aujourd'hui en direct de Dijon. Comme chaque midi, nous invitons à déjeuner avec notre équipe la personne qui va découvrir dans quel bar ou restaurant nous sommes installés. Vous ne pouvez dire aucun nom officiel de rue ou de magasin, ni de musée. Nous attendons vos questions sur Internet ou bien par téléphone au numéro habituel. Carole, vous êtes en studio. Vous nous posez la première question ? Oui, bonjour Pascal. On nous envoie déjà beaucoup de messages. Voici la première question d'une auditrice. Est-ce que vous êtes dans le centre-ville ? Oui, nous sommes dans le centre-ville. Une autre question ? Un auditeur, êtes-vous sur une place ? Effectivement, nous sommes sur une place. Très bien, nous venons de faire un grand pas en avant. Question sur Twitter, y a-t-il des magasins autour de cette place ? Oui, il y a une bijouterie sur notre droite en sortant de la place et un magasin de prêt-à-porter pour femmes à gauche. Il y a également un supermarché à gauche, une rue plus bas. Message d'Aurélie sur Facebook. Est-ce qu'il y a une agence immobilière ? Il y a même deux agences immobilières. Nous sommes entre les deux. Y a-t-il un bureau de poste ? Oui, c'est exact. Sur la droite, il y a en effet un bureau de poste. Combien de rues donnent sur cette place ? 6 rues exactement. Pierre, par téléphone, êtes-vous en face d'un établissement public ? Eh bien oui, nous sommes juste en face. Vous êtes à la brasserie de l'hôtel de ville ? Oui, c'est bien ça. Venez immédiatement, place de la Libération. Dépêchez-vous ! Nous vous attendons pour déjeuner. Carole, au revoir et rendez-vous demain. À demain, Pascal.